avait le cœur sur la main et la cervelle dans la lune. C'était un bon copain. Il avait l'estomac dans les talons et les yeux dans nos yeux. C'était un triste copain. Il avait la tête à l'envers et le feu là où vous pensez. Mais non, quoi, il avait le feu au derrière. C'était un drôle de copain. Il prenait ses jambes à son cou, il mettait son nez partout. C'était un charmant copain. Il avait une dent contre Étienne. À la tienne, Étienne, à la tienne, mon vieux. C'était un amour de copain. Il n'avait pas sa langue dans la poche, ni la main dans la poche du voisin. Il ne pleurait jamais dans mon gilet, c'était un copain.